Page 149. Les Français veulent travailler le dimanche. Le JDD, le journal du dimanche, est en direct avec nous. Patrice Trappier, rédacteur en chef, bonjour. Bonjour. À la une du JDD ce matin, la crise financière évidemment, mais aussi un sondage sur les Français et le travail le dimanche. Une évolution visiblement dans le comportement et dans les attentes des personnes que vous avez interrogées. Oui, il y a une majorité de Français qui maintenant considèrent que le travail du dimanche est normal, qu'ils y sont favorables à 52%. Mais bon, ça reste encore un peu divisé, surtout en campagne. Mais par contre, les Français sont vraiment prêts à travailler le dimanche. C'est très intéressant. Personnellement, même s'ils ont un avis le dimanche, il faut faire attention, personnellement, ils sont prêts à travailler à très largement à 67%. C'est évidemment l'effet de la crise. C'est une évolution qui date de quelques mois seulement, le désir de travailler le dimanche et le désir aussi de changer la loi. Les Français ont bien compris que cette loi de 1906, elle était très archaïque et il y a énormément de dérogations, il y a 180 dérogations. Et le gouvernement a décidé donc cette semaine d'accélérer. Aujourd'hui, Xavier Bertrand et Luc Chatel sont à plan de campagne pour parler de ce sujet et Nicolas Sarkozy va faire un discours sur l'emploi cette semaine et il va y avoir un projet de loi qui va changer tout ça, qui va encadrer d'ailleurs la possibilité d'avoir des salaires et des jours de récupération pour des salaires plus importants le dimanche, mais il va y avoir un changement sur le travail du dimanche.